Renault sur un niveau. Tu sais, voilà, bah voilà, là on est 160 sur le même niveau. Tu te fatigues plus à monter, descendre des escaliers. Cuisine au-dessus. Il achète un rouleau.